C'est le titre de l'épisode d'Assemblage requis du mardi 18 novembre. Génial. Allez voir sur Assemblage requis. Quelque chose avec ça, ça a marqué l'émission de ce matin. Merci vraiment. De remarquer ce qui marquait les choses. Ouh. Donc, Megaman, oui. C'est une série que je connais un peu moins, en fait. Ok, as-tu déjà joué à un Megaman? J'ai jamais joué. J'ai regardé des gens jouer. J'ai regardé des speedruns de Megaman, mais j'ai jamais joué personnellement, non. Le speedrun le plus spectaculaire, c'est celui qui fait le tour de... je crois que c'est Megaman 3, 4, 5, 6 en même temps. Oui. Il voulait prouver que les jeux, les concepteurs de l'époque ne se forçaient pas pour refaire des niveaux. Il faisait juste changer un peu les graphiques. Okay. Donc, la personne est capable de contrôler 4 gens en même temps. Et juste pour nous montrer que le principe est souvent le même pour éviter des obstacles et traverser un niveau jusqu'à atteindre le boss. OK, il faut que je vois ça, premièrement. Donc, si tu me trouves ça, là... Ben oui, je peux m'envoyer le lien à tout le monde si jamais on a un beau site où tout est recensé, ces vidéos-là, et c'est facile à trouver, en fait. Génial. Oui, donc juste à cliquer sur l'onglet Super Nintendo et c'est là. Cool! c'est ça, donc moi, en fait, j'ai joué au vieux Megaman, donc je crois que j'ai joué au 2, au 4, un petit peu. Toi, t'as pas commencé par le commencement, il y a pas de... Non, ben en fait, j'ai été dans l'ordre que j'ai pu les obtenir parce que le 1 coûte beaucoup plus cher que les autres en termes de rareté. Donc, c'est sûr que j'ai acheté des jeux un peu moins rares de Megaman en premier. Ouais. Ça fait en sorte que je peux pas suivre la logique nécessairement. Ouais. Étant collectionneur, tu touches pas aux émulateurs du tout, donc jamais tu toucherais à Megaman 1 en version émulation, mettons. Ben, je pourrais m'amener si je veux vraiment jouer, mais c'est sûr que qu'est-ce que je vise, c'est de jouer au vrai jeu. Ouais. On s'entend. Sur la vraie console, sur la vraie télé. Exactement, ouais. T'as tout compris. Avec une bonne manette de NES. Ah, mais ça. c'est ça, donc... Mais qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? C'est Megaman, la série Megaman X. Okay. C'est un auditeur, en plus, qui me l'a proposé. Alors, Marc-André, qui est allé de sa suggestion, mm-hmm. que j'ai accepté. Alors, je fais ça aujourd'hui. Ça m'a fait faire une belle recherche. J'ai pas joué du tout à la série X. Et ça m'a intrigué de savoir un peu qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Alors, je vais me lancer à l'instant. Allons-y. On va y aller avec plus général pour qu'est-ce qui est Megaman, pour introduire. Et après ça, je vais tomber vraiment dans qu'est-ce qui est spécifique à Megaman X. Alors, Megaman ne s'est pas toujours appelé Megaman, okay. premièrement. Et ici, je parle pas de son nom japonais, Rockman. Ouais, c'est parce ça. Parce qu'il y a un nom ça. Différent, mm-hmm. version nord-américaine, version japonaise. Les trois noms retenus au départ, c'était Battle Kid, Mighty Kid et Knuckle Kid. Knuckle Kid comme Knuckles dans Sonic. C'est ça. Ouais. Mais aucun des trois noms finalement a été retenu, même si c'était les trois derniers qui restaient pour le choix. Je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé que c'était aucun de ces trois noms-là, ils ont été complètement vers autre chose. Ben, il y a aucun nom qui a vraiment du sens, même Megaman, je veux dire, il est pas énorme, là. Ouais, mais il y a des super pouvoirs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ensuite, Capcom a même pensé à ajouter Rainbow à son nom. Ça aurait été encore plus étrange. Ouais. Ouais, et à un point tel que le premier titre imaginé pour le jeu, c'était The Battle Rainbow Rockman. Aïe, aïe. Une chance, ça a pas resté ça. C'est tout sauf rock, finalement. Ouais, exactement. Man. Et c'était inspiré du fait que Megaman, ben, il changeait de couleur dépendant de l'arme qu'on lui donnait. Mm-hmm. Donc, il y avait 7 armes à récupérer, donc 7 couleurs différentes. OK. Donc, c'est pour ça le Rainbow. Il y avait un lien au moins. Ouais, c'est ça. Ça a pas sorti de nulle part. Ensuite, le choix de couleur de Megaman, pourquoi il est bleu? Ouais. Ça, c'est un une bleu question. Poudre, genre. Ouais, c'est un bleu ça. Bizarre, ouais. Mais en fait, il n'y a pas de raison spécifique, à part le fait que la palette de couleurs qui était disponible pour le NES était pas grande. Et la couleur qui avait le plus de variations, c'était le bleu. Ah, ben oui. Donc, eux, ils voulaient faire le plus de détails possible. Ils se sont dit que la meilleure façon, c'était de prendre la palette qui avait le plus de choix. Mmh. Les ombrages et tout ça. Exactement. Donc, c'est la seule raison pour laquelle il est bleu. Il n'y a pas d'autre, raison que ça. ensuite, Megaman a été conçu par Akira Kitamura. C'est seulement rendu à Megaman X que Keiji Inafune, pardon, qui est un peu le créateur officiel du jeu. C'est ça. Donc, lui, il a seulement fait sa conception de son Megaman rendu à la série X. Okay. Et il était tellement différent de l'original qu'il a décidé de garder quand même l'ancien modèle, qui a juste réadapté des graphiques plus beaux. Son modèle à lui, c'est devenu Megaman Zero, okay. qui est l'allié de Megaman dans la série X. Et je pense au Game Boy Advance aussi, il y a un jeu que c'est Megaman Zero, où là, il devient le personnage principal. Okay. Mais c'est ça, donc finalement, sa propre conception, lui-même l'a pas accepté. C'est des choses qui arrivent. On tombe dans la partie intéressante, donc il y a deux docteurs. Ben oui, le reste, hein. Ouf. Non, mais là, on tombe plus spécifique à... Sans enlever qu'est-ce que j'ai dit au début. Alors, les deux docteurs du jeu, c'est Dr. Light et Dr. Willy. Dr. Light étant le créateur de Mega Man et Dr. Willy étant le créateur de toutes les machines qui essayent de vaincre Mega Man. Mmh. C'est ça. Donc, leur nom complet, c'est Dr. Thomas Light et Dr. Albert Willy. Donc, pour rendre hommage à Thomas Edison, okay, l'inventeur de la lumière, si je ne me trompe pas. Moi, c'est donc, moi que je l'ampoule. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc, c'est ça, Dr. Thomas Light. Ouais. Ça vient de là. Et l'autre est basé sur Albert Einstein. Donc, si tu veux regarder les photos que j'ai mis sur la page, je pense que j'avais oublié de te dire ça. Aucun problème, mais sur le Mathieu Plante Show, donc sur Facebook, oui. Mathieu Plante Show, en effet, je vois la photo qui ressemble. Il est parce que les cheveux blancs. Si on regarde en premier, justement, le Dr. Thomas Light, qui est basé sur Thomas Edison, effectivement, il n'y a pas tant de ressemblance. Ben, parce que le méchant a une grosse barbe, alors que c'est le gentil. Ah, c'est le gentil. Ben, c'est vrai qu'il a les yeux gentils. Oui, le gentil, une grosse barbe. Donc, en fait, ils disent que lui, il serait basé plus sur le Père Noël. OK. Avec la barbe, ça... Ben, il y a, mettons, un sarrau, des pantalons rouges, des gros souliers rouges et une cravate bleue à pois blanc. Oui. Et sa tête, c'est des cheveux blancs et une grosse barbe blanche. Donc, à part les cheveux blancs, moi, je vois pas de ressemblance vraiment avec Thomas Edison, mais ça a l'air qu'il est basé sur lui. OK. Maintenant, si on regarde l'autre, le Dr. Willy est basé sur Albert Einstein. Je trouve que là, c'est vraiment basé... Einstein avait tout le temps les cheveux ébouriffés, donc ce personnage-là a aussi les cheveux ébouriffés, un peu comme des ailes grises sur sa tête qui est chauve, une moustache grise comme Einstein, et le reste du sarrau, la cravate rouge, il a l'air de scientifique. Donc oui, ça fit ça. Oui, c'est ça. Petit fait étonnant, c'est que le Dr. Light est le bon docteur dans le jeu. Donc même s'il est basé sur Thomas Edison, qui lui a eu de la difficulté au niveau éthique dans sa carrière. On l'accuse d'abus envers les animaux et d'avoir inventé la chaise électrique. Ah! Mais il a quand même le bon rôle là-dedans. Mmh. Alors que le Dr. Willy, qui est le méchant, lui, est basé sur Albert Einstein, qui est un pacifiste. C'est ça. Par contre, c'est là où le niveau culturel est très intéressant. Albert Einstein, lui, a développé une formule qui a mené à la création de la bombe atomique. Et Mega Man a été créé au Japon. Donc, d'un point de vue culturel, est-ce que ça se peut que les gens au Japon, lui, le voient moins d'un aussi bon œil que nous en Amérique du Nord? Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça que le modèle s'est appliqué au méchant dans ce jeu-là. J'adore les côtés culturels comme ça. C'est bien. Alors ensuite, sur la boîte du jeu Mega Man X, que ce soit la version au Super Nintendo ou à l'ordi, il y a l'ennemi sur le dessin, c'est le Launch Octopus, qui est représenté avec une couleur mauve. Mais dans le jeu, peu importe la version, il est rouge. Donc, l'ennemi sur la boîte n'est même pas de la bonne couleur. C'est de la fausse représentation. Exactement. Donc, c'est juste cocasse à noter. Dans Mega Man X, si vous utilisez le boomerang contre un Flame Mammoth, qui est un ennemi du jeu, vous pouvez couper sa trompe et il ne pourra plus vous lancer d'huile. Hein? Mais c'est la seule façon d'avoir cette animation-là. Donc, n'importe quelle haute arme ne fera absolument rien sur l'ennemi à part le vaincre, mais le boomerang, lui, il a ça de rajouter. C'est particulier. Pour rien. Oui, c'est ça. Donc, il y avait du temps à perdre et ils ont décidé de faire une programmation supplémentaire. Mmh. Dans Mega Man X, un nouvel ennemi est appelé le Baton Bones, qui semble être le remplaçant de l'ennemi Baton, donc tout court. Là. Ouais. En fait, le nom est presque pareil, c'est juste que le nouveau Bones de rajouter, tout simplement. L'ennemi Baton a été présenté dans Mega Man 2 au NES, et dans le niveau Armored Armadillo, il y a un regroupement de Baton Bones, mais dans le milieu du regroupement, il y a un... il y a un bâton tout seul. Donc, qu'est-ce que les gens ont remarqué? C'est que c'est la dernière apparition à vie de ce méchant-là dans tous les jeux de Mega Man. Okay. Donc, je sais pas si c'est un clin d'œil ou juste si... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, mais il y en a un dans le jeu tout seul qui est dans un regroupement d'ennemis qui est censé succéder à ça. Mm-hmm. Ils en ont mis un tout seul, là. Étrange. C'est le seul jeu et c'est le dernier qui apparaît. Mm-hmm. C'est particulier. ensuite, je suis rendu de l'autre côté de la feuille. Bah, je cherchais, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, dans Mega Man X, il y a une habileté cachée dans le niveau Armored Armadillo encore. Une fois que vous avez complété le jeu et que vous avez tous les objets cachés, vous devez arriver à la fin du niveau en ayant 100% de votre vie. Et là, quand vous sortez d'un tunnel, vous devez sauter pour atteindre une plateforme qui est surélevée par rapport au chemin que vous devez prendre. Et quand vous allez arriver sur cette plateforme-là, il peut avoir quelque chose ou non. Et s'il n'y a rien, vous recommencez le niveau et vous répétez cette action-là jusqu'à temps que vous arriviez sur la plateforme et qu'il y ait une capsule. Dans la capsule, il y a le Dr. Light qui apparaît et qui vous apprend une nouvelle habileté. Et cette habileté-là, c'est le coup signature de Ryu dans Street Fighter, le Hadouken. Ah, wow. Ouais, c'est ça. Maintenant, je passe à Mega Man X2. Donc, si vous tenez le bouton B de la manette branchée dans le port numéro 2, okay. Donc la manette 2, en ouvrant votre console, vous activerez le menu d'un microcontrôleur responsable des calculs trigonométriques de l'animation. Hey! Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Quelque chose de compliqué. Oui, mais je sais pas, c'est accessible. À tous. C'est sûrement une affaire de débogage, j'imagine, pour les c'est gens qui ont fait ça, le jeu. C'est ils n'ont pas retiré... C'est trop facile d'accès. Là. Tenez, un bouton B de la manette, lorsqu'on allume la console, c'est trop simple. Ben, pour faire les essais, ça devait bien aller. Ouais. Mais pour les joueurs, ça fait quelque chose de drôle. Mm-hmm. Ensuite, encore dans Mega Man X2, si vous allez dans le deuxième niveau Sigma, après avoir complété le jeu et récupéré tous les objets cachés, vous pouvez trouver une capsule où le Dr. Light vous apprendra une nouvelle habileté. Il s'agit du coup signature dans Street Fighter, le Shoryuken. Et non pas Shoryuken, donc oui, vous pouvez, mais en un mot, à la texture japonaise. Mm-hmm. Mais c'est ça, donc deux jeux différents avec chacun une habileté du jeu Street Fighter. Pour moi, c'était une blague récurrente. Mm-hmm. Dans Mega Man X2, à cause de certaines limitations, je sais pas si c'est c'est une limitation de temps ou au niveau graphique, mais il y a la conception de deux personnages qui n'ont pas pu être complétés. Il va avoir une deuxième forme du méchant Violin qui a jamais vu le jour, parce que les autres ennemis ont chacun eu une deuxième forme, mais pas lui. Donc lui, elle a été cancellée avant la fin de la conception. Okay. Et les X-Hunters, qui est un groupe d'ennemis qu'on a à vaincre dans le jeu, ils devaient être 4 et non 3. Donc ça devait être il devait avoir une femme avec eux. Et l'équipe devait s'appeler les 4 gardiens. Donc les 4 Guardians, ça devait être le nom du groupe. Finalement, ils ont été juste 3, ils se sont appelés les X-Hunters. Pour évidemment le fait qu'on joue avec Mega Man X. Ouais. Donc X-Hunter. Okay. Ensuite, la conception de Sigma. Le méchant de Mega Man X a été inspiré par la conception d'une équipe de 3 vilains en prenant les éléments de chacun. OK? Et pour Mega Man X2, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont repris ces 3-là, ils les ont retravaillés, c'est devenu les X-Hunters. Ah. Donc le premier méchant est comme comme des éléments de chacun des ennemis qu'on rencontre dans Mega Man X2. C'est une bonne Mais ça devait pas être fait de même. OK. Donc, c'est une petite twist un peu qui a été faite, mais ça a donné des bons résultats. Ça, c'est faut le donner. Ensuite, des concepteurs ont pensé faire une version de Mega Man X3 pour le 3DO. Est-ce que tu as déjà vu cette console-là, le 3DO? J'ai déjà entendu parler. Je crois avoir vu des photos, mais j'ai jamais vu quelqu'un l'acheter ou l'utiliser. Ça. Ouais, c'est ça. C'est que ça a été un flop. Ouais, OK. OK. Si tu as la chance de voir les jeux de Zelda et de Mario qui ont été faits pour cette console-là, ça va te rendre malade. OK? Ça a été atroce. Et je suis content que le projet de Mega Man ait aborté sur cette console-là. Donc, quelque chose qui aurait pu être vraiment affreux. Ouais, c'est ça. Donc, eux, pour vendre la console, ont acheté des franchises de jeux connus en disant on va avoir le droit de faire un jeu avec ces héros-là et ça va aider à vendre la console. Ouais. Mais ça n'a pas marché parce que les jeux étaient trop affreux. Mm. Donc ça n'a pas plus, ça a pas plus décollé. La version de Mega Man X3 au PlayStation, au Sega Saturn et au PC ont une faute dans le méchant Blizzard Buffalo. Donc on peut toujours lire dans ces trois remakes, si je peux dire ça, on peut lire Blizzard Buffalo. Donc ils ont inversé le I et le L, mais ça apparaît partout. Ok. Et ça n'a pas été corrigé dans aucune des versions qu'on refait après. Wow. Donc, mais au moins la version Super Nintendo il est écrit correct. À l'endos de la boîte de Mega Man X3, l'image montre le combat contre le Blast Hornet et on peut voir une porte verticale menant à la salle de combat. Quand on joue au jeu, il n'y a pas cette porte-là. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que si on peut aller un peu déboguer le jeu et bouger la caméra un peu plus haut, il y a une autre salle au-dessus de cette salle-là dans laquelle il y a la porte. Donc, l'image qu'on a en arrière de la boîte, c'est cette autre salle-là. Mais quand que le jeu est sorti à sa version finale, c'est une autre salle qui est utilisée pour le combat. Mais l'ancienne salle est juste au-dessus, elle est encore présente avec la porte qui est là. Ça, on se demande toujours comment ils font ces erreurs-là. Les équipes se parlent pas, hein? Le marketing, puis le... Je sais pas, ou ça a été trop long de défaire. Ils disent, de toute façon, on peut pas atteindre cette salle-là d'aucun moyen, donc c'est pas grave si on la laisse là. Ouais. Mais il y a toujours quelqu'un qui réussit à aller avec les Game Shark ou ces choses-là, ouais, aller jouer un petit peu dans le jeu et... Faut pas sous-estimer les fans de ces jeux-là, ben, ça exactement. Cherche longtemps. Ouais, au moins ça se corrige dans les jeux récents. Mm. Il se fait plus d'affaires de même, ou sinon c'est voulu. Ouais. Juste pour intriguer un peu les joueurs. Alors, c'est ça. Dans Mega Man X3, il y a deux objets cachés. Le premier se trouve dans le Doppler Stage 1. Il est seulement possible de le trouver si le joueur a trouvé tous les objets, sauf les processeurs. Dans Mega Man X3, on ramasse des processeurs qui donnent des habiletés à Mega Man, si j'ai bien compris. Et donc, si on ramasse aucun de ces processeurs-là, on peut récupérer dans ce niveau-là un hyper-processeur qui donnera à Mega Man X une armure en or et l'effet de tous les processeurs que vous n'aurez pas ramassés. Okay. Dans le deuxième objet, le Doppler Stage 2, donc il y a un autre objet qui est disponible. Il est accessible seulement si vous avez déjà vécu Vile avant d'atteindre ce niveau et si Zero est encore votre allié. J'ai vu que j'ai pas joué au jeu, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, mais il y a moyen de prendre des branches différentes et ça fait en sorte que tu arrives dans ce niveau-là avec une condition précise. Et si tu joues à ce niveau-là avec Zero, ben t'as accès à un mini-boss supplémentaire. Et à la fin, Zero remet à Mega Man X son sabre. Donc c'est un autre objet caché dans le jeu. Ce que je remarque pour les Mega Man X, X2 et X3, c'est que tous les objets à récupérer demandent des conditions très spécifiques. Ils demandent d'avoir fait le jeu déjà à 100%. Okay. Et faut arriver à la fin des niveaux avec toute notre vie, tu sais, ce genre de choses-là. Ouais. Puis si vous cherchez sur Internet, vous allez remarquer que les gens peinent à seulement finir le niveau avec leur vie pleine. C'est le gros défi. Okay. Tu fais toujours toucher par un ennemi ou quelque chose. Tu sais, ils en mettent à la tonne dans ces jeux-là. Ouais. Il t'arrive toujours quelque chose avant la fin. Ça fait en sorte que les gens sont pas capables de récupérer ces objets-là. Mmh. Donc, c'est un énorme défi. Et c'est pour ça que les gens de nos jours jouent avec des émulateurs pour pouvoir faire des save states à chaque affaire. Aussi, tu reviens en arrière, tu le refais. C'est bien dit, ça. Ouais. quand j'ai parlé tantôt de Street Fighter, si on veut se remémorer les bons souvenirs de ce jeu-là, j'ai mis un petit extrait que tu peux faire jouer. Okay. Et c'est pour nous remémorer justement les bons jours de Street Fighter. On écoute, c'est Hadouken et Suryuken, c'est ça? Oui, Suryuken. Suryuken, you can dance. Suryuken, you can dance. Hadouken! Ah, les bons combats de Street Fighter. C'est bien, Gérard. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cette émission spéciale du Mathieu Planchot sur The Gamer Anon avec Samuel Girard continuera après la pause. Sans Mathieu Plante, édition spéciale jeux vidéo rétro avec notre collaborateur Samuel Girard. On continue avec sa chronique sur le Vectrex, diffusion originale 11 février 2015. C'est le moment de passer à la chronique de jeux vidéo rétro, hein? La chronique de jeux vidéo rétro avec notre ami Samuel Girard. Avoue que c'est merveilleux, hein? C'est accrocheur, ça. Salut, Samuel. Salut, Mathieu Plante. Ça va? Ben oui, je le dis, Mathieu Plante, une fois de plus sur le lot qu'on a depuis le début. C'était pas assez. On se demande, c'est qui anime déjà cette émission-là? C'est quoi, j'ai le nom sur le bout de la langue? C'est pas moi, en tout cas. C'est pas toi. Toi, c'est Génie en liberté les jeudis à 9h30. Hey, appelez ça. Oui. Hey, belle façon de placer ça. Ben, ça me fait plaisir de faire les plugs. Non, aujourd'hui, t'es là pour ta chronique de jeux rétro, comme toujours, et je t'avais demandé quelque chose de spécial il y a quelques temps, et je pense que mes souhaits sont maintenant exaucés. Et oui, donc.